La rose de Jéricho. C'était une veille de Noël. L'âge que j'avais cette année-là, je serais fort embarrassé de le dire. Un souvenir m'est resté bien présent pourtant. Je sais qu'en entrant chez moi, chez mon condisciple Jean Notet, je heurtais rudement du front l'anneau d'une clé qu'on avait oubliée sur la porte. Front à hauteur de clé, mettons 10 ans. Ce sera me faire assez bonne mesure. Jean Notet, dans la journée, m'avait dit « Viens veiller chez nous ce soir et tu verras. Quoi ? Ah, quelque chose !» Jean Notet avait accompagné ces derniers mots d'un haussement de lèvres, d'un écarquillement d'yeux si plein de mystérieux sous-entendus, que m'approchant de lui, posant une main sur son épaule et attachant sur le sien mon regard avide. « Qu'est-ce donc, hein, dis-moi ? Oh, une bien belle affaire, va. Tu n'as qu'à venir et tu la verras. » Il se rengorgeait avec une suprême suffisance. « Oh, tu sais, je m'en moque de ta belle affaire, si tu ne veux pas la dire. Ça m'est bien égal après tout, garde-la. » Et montrant vivement le dos à Jean Notet, je fis 3 pas pour m'éloigner, mais lentement, afin qu'il eût toute facilité de me rappeler. « Bonne politique !» il se ravisa en effet. Je me retournai. Il me rejoignit d'un bond, car il brûlait de me conter son histoire, autant que moi de l'entendre. Alors, son bras mis sous le mien, et avec ce chuchotement qui est le bruit particulier, révélant l'éclosion des grandes révélations, « Tu sais bien, n'est-ce pas, le pays de notre Seigneur Jésus-Christ, là-bas, loin, loin ?»« Oui, je sais, la Terre Sainte, c'est ça. » »« Tu sais bien que quand le petit Jésus était tout poupon, la Vierge Marie allait laver à la fontaine de Jéricho les langes du berceau, de beaux linges bien blancs, naturellement. Pour les faire sécher quand elle les avait lavés, elle les étendait au soleil, sur les rosiers qui poussaient autour de la fontaine. Des rosiers ? Oui, il y a bien longtemps de ça. Les langes ne sont plus étendues, mais les rosiers fleurissent toujours. Vraiment ? Oh, mais ce ne sont pas des rosiers comme les nôtres, je pense bien. Ils portent des fleurs toutes drôles. Les gens qui passent par là, pour aller visiter en dévotion le tombeau de notre Seigneur, et qui voient ces roses, en prennent quand ils ne sont pas vus. Ils les rapportent, alors imagine-toi, devine. Ici Jean Notet hocha la tête superbement, mais moi impatienté. S'il faut deviner, je m'en vas. Oh, je te le donnerai bien en 1000 d'ailleurs. Figure-toi donc que quand on les garde, bien pliées dans du papier mou, elles sont toutes sèches, toutes resserrées. Et quand elle reste ainsi durant l'année entière, mais quand vient la veille de Noël, qui est le jour de naissance de l'enfant Jésus, comme tu sais, on les met, la tige, dans un verre qu'on a rempli d'eau de fontaine, en disant un ave. Et voilà que, par souvenir de son pays, en l'honneur de notre Seigneur, dont la bonne Vierge avait étendu les langes sur les rosiers, la rose commence aussitôt à s'ouvrir, et elle reste ouverte toute la sainte nuit, après qu'on l'a retirée de l'eau. Mais le lendemain, elle se referme pour ne plus s'ouvrir que l'an suivant, à la même veille de Noël. Voilà. Tiens, tiens. Et si tu veux voir ça, tu n'as qu'à venir veiller chez nous ce soir. Bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Ma mère a une de ces roses de Jéricho qu'un pèlerin lui a données. Elle l'a dans sa cassette, bien pliée dans du papier mou. Mais ce soir, comme c'est la veille de Noël, on la fera ouvrir. À quelle heure ? À 7 heures. C'est bon. Et l'important Jean Notet s'en alla recruter quelque autre futur témoin du prodige. À l'heure dite, j'étais là, et en fort nombreuse compagnie. La cassette, habitacle du miraculeux végétal, fut apportée sur la table, autour de laquelle s'était formé un cercle d'yeux écarquillés. On ouvrit la cassette au milieu d'un grand silence. La mère de famille en tira lentement un paquet allongé, gros à peu près comme une petite main fermée, nouée d'un ruban bleu. Je saurais peindre encore la forme serpentine que prit, quand on la rejeta sur la table, ce ruban, qui en se dénouant permit l'entrevoyement du papier gris qui servait de première enveloppe. Au papier gris succédèrent 2 grandes feuilles de papier de soie, dont j'entends encore le léger froufrou, et que je vois retomber en nuages onduleux. Enfin, le dernier voile fut écarté. La voilà, fit la mère qui nous présenta, en la tenant par une sorte de pivot allongé, une touffe de menus branchages, emmêlés, contractés, grisâtres et comme poudreux. Cette chose, en réalité, ne rappelait en rien une rose, mais l'étrangeté même de son aspect semblait vraiment lui confirmer le caractère surnaturel qui la rendait l'objet de tant de curiosité. Maintenant, un verre bien propre. J'en notai, pris sur le dressoir, le plus bruyant gobelet de cristal, qu'on essuya avec une fine serviette. Allez le remplir, et surtout, n'oubliez pas laver. Nous sortîmes 5 ou 6 pour aller à la source, au fond du jardin, alors couvert de neige. Je portais le falot, une grande jeune fille tenait le verre. Nous nous rendîmes à la fontaine, sur laquelle la jeune fille se baissa en murmurant l'oraison obligée. Et nous revînmes, escortant processionnellement la limpide liqueur, qui devait aider à la manifestation du prodige. Le verre fut posé au milieu de la table, et alors eut lieu la solennelle immersion du pivot, qui servait de tige à la fleur mystérieuse. « À présent, il faut attendre un peu, dit la mère, car l'effet, paraît-il, ne se produit pas tout de suite. » Et l'on attendit, en causant de choses et d'autres, mais en ne quittant guère des yeux la touffe crispée, qui trônait morde au-dessus du gobelet, que les rayons de la lampe diaprait de perles étincelantes. Une grande demi-heure se passa, sans qu'aucun changement appréciable pût être remarqué. Et déjà la discussion s'engageait, où certains qui osèrent évoquer en doute le prétendu phénomène, se royant eux-mêmes d'avoir pu ajouter foi à de pareilles assertions, était vivement rabroué par ceux qui mettaient l'insuccès de l'expérience au compte de quelques inobservations des formalités à suivre. Quand soudain, « Oh, regardez » m'écriai-je, « Regardez, elle a bougé, elle a bougé !» Accoudé depuis quelques minutes sur la table, le menton dans ses mains et les yeux fixés sur la rose, je venais de surprendre une sorte de brusque mouvement, de distension opéré par deux des petits rameaux gris, qui d'abord étroitement enchevêtrés l'un dans l'autre, venaient de se séparer d'eux-mêmes. « Voyez-la, là !» Et je montrais, sans y toucher, les brindilles qui avaient changé de position. Au même instant, et comme j'avais appelé tous les regards sur la touffe, quelque chose d'analogue se produisit pour d'autres rameaux. « Mais oui, tiens, c'est vrai. Oh, regardons, est-ce curieux, un vrai miracle, quoi ?» Les voix étaient émues. Et c'était plus que de la surprise qui se peignait sur les visages. Tout entretien cessant, il y eut bientôt un cercle compact autour de la grande table ronde. Et pendant au moins une grande heure, on n'entendit plus qu'une suite d'exclamations admiratives traduisant les phrases graduelles du phénomène, qui se réalisait avec une sorte de grave et imposante lenteur. Au bout d'une heure, en effet, toute contraction ayant disparu, la touffe recroquevillée s'était élargie, épanouie. L'espace s'était fait entre les ramilles alors divergentes. Ce n'était rien moins encore qu'une rose fraîche ou desséchée. Ce n'était plus la masse confuse que nous avions vue tout d'abord. En somme, il y avait prodige, il y avait miracle. Et Dieu sait si l'on s'ébahissait, si l'on dissertait à perte de raisonnement sur l'étrange intuition dont le ciel avait doué cet humble végétal, comme pour glorifier les saints, les divins mystères. Ici, le souvenir de la transition n'est plus pour moi bien précis. Ce que je m'explique par l'absorption de mon jeune esprit en de difficiles pensées. Toujours est-il que ma mémoire retrouve tout à coup l'image d'un homme de haute taille qui portait l'habit sacerdotal et dont la voix vibrait grave et pénétrante. Il avait parlé. Nous étions à peu près tous retournés vers lui, et si je n'ai pas retenu ses propres paroles, au moins n'en ai-je jamais oublié le sens. « Miracle, dites-vous, mes enfants, je ne voudrais pas vous blâmer d'avoir eu la foi, puisque tout est faisable à Dieu, puisqu'il peut demander témoignage de sa grandeur aux brins d'herbe des champs, comme aux astres du firmament. Il y a miracle, en effet, mais non le miracle que vous pensez. » Miracle plus beau, plus touchant peut-être encore que celui qui vous cause tant d'étonnement. Miracle de tendresse, de prévoyance maternelle, que l'auteur de toute tendresse, de toute prévoyance, a voulu que cette petite plante accomplit après sa mort. Car elle est morte, bien morte, voyez-vous, cette plante et non cette fleur, comme vous l'appelez. » Le prêtre avança la main et enleva la rose de Jéricho. « Il n'y a là ni rose ni rosier, continua-t-il. Ce que vous prenez pour une tige est une racine. Cet ensemble de brindilles que vous prenez pour les pétales singuliers d'une fleur singulière sont les rameaux d'une chétive plante qui se trouve sa maigre existence dans les sables arides d'Arabie ou de Judée. Elle est la proche parente de cette giroflée qui vit dans les fentes de nos vieux murs, de cette ravenelle qui, au printemps, brode de jaune le tapis vert de nos blés, et de cette bourse à pasteur qui toute l'année dresse ses petites fleurs blanches et ses petites gousses en cœur le long de nos chemins. Voyez, au bout de chaque rameau, voilà autant de chapelets de menues gousses à deux cornes. Si je presse fortement sur l'une de ces gousses, il en écrasa une, non sans peine, entre ses ongles, j'en fais sortir deux ou trois petites graines brunes, voyez. Eh bien, c'est à l'avenir de ces graines que le Créateur a pensé, et c'est pour elles qu'a lieu le miracle. La plante naît à la saison nouvelle, elle grandit, elle fleurit, oh, une floraison sans le moindre luxe, à peu près comme notre bourse à pasteur. Quatre courts pétales blancs, puis la gousse se forme, puis le soleil dessèche la petite plante sur le sol desséché, et les vents passent, qui la déracinent, qui la roulent de sable brûlant en sable brûlant. Si alors les gousses s'étaient ouvertes, si les graines s'étaient répandues, éparpillées, qu'en adviendrait-il, perdu, qu'elles seraient dans ces plaines embrasées, dont elles doivent former à peu près la seule végétation? Mais point, la gousse très épaisse, très résistante, reste fermée. Et la plante, en se desséchant, se resserre, se contracte d'autant plus que la chaleur est plus grande. Et le souffle torride la pousse, la roule du nord au midi, du midi au nord. Bien repliée sur elle-même, cachant, enveloppant, dérobant sa chair, sa fragile descendance, la voyez-vous passer, cette mère, en qui la mort a laissé vivre ce suprême sentiment de protection? Elle va, enfin elle s'arrête, où donc? Dans quelque pli du sol, qui suit un filet d'eau dans un creux resté humide, ou bien encore c'est que la saison pluvieuse est venue. Elle s'arrête. Alors se produit ce que vous venez de voir, et qui se fût produit bien mieux, si vous eussiez mouillé la plante tout entière. De l'eau, de l'humidité, c'est le lieu, c'est le moment propice pour que la mer confie enfin à la terre qui en fera autant de plantes nouvelles, ses graines, ses trésors, jusque-là si bien gardés, si jalousement protégés. Les bras s'ouvrent, les gousses s'amollissent, les graines sortent, la terre les reçoit et le miracle de protection maternelle est accompli. Ainsi parla le prêtre. Dans un coin du prater viennois, lors de la dernière exposition universelle, de pauvres bethléémites offraient en vente de ces prétendues roses de Jéricho. J'en ai rapporté une. Elle est là devant moi pendant que je trace ces lignes. Je la regarde, et bien qu'elle ne soit plus pour moi la fleur légendaire dont parlait Jean Notet, mes yeux ne s'arrêtent pas sur elle, avec moins de vénération que le soir, où je croyais encore voir se réaliser le prodige que m'avait annoncé mon petit camarade.